Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Rose Ouellet, alias La Poune, la reine du burlesque. Moi, ça a toujours été ma devise, de faire rire. Parce qu'on a des gens qui vont venir, là, comme ce soir. Ils ont des troubles. Ils en ont des troubles. Alors, je les connais pas, mais moi, je me dis, s'il y en a dans la salle qui ont des troubles, le temps qu'ils vont rire, ils vont être heureux. C'est ça, ma devise. Je veux les rendre heureux. Faire rire le public pour qu'il oublie ses tracas. Tout l'esprit du burlesque repose sur cette intention dont parle La Poune en 1987. Il y a dans cette volonté de faire rire, de divertir le public, quelque chose d'à la fois infiniment simple, en même temps qu'infiniment noble et généreux. Tout l'art du burlesque s'appuie sur cet objectif d'offrir aux gens un peu de bonheur le temps d'un spectacle. Le nom de Rose Ouellet, il y en avait qui ne le savaient pas, même, vous savez. Non, c'était... Alors, quand je les rencontrais, là, je passais pour faire mon numéro, on me disait « Bonjour La Poune, ma petite poune. Hein? » D'où c'est venu ce nom-là, Mme Ouellet? Est-ce vous qui l'avez trouvé, La non, Poune? Non, non. D'où c'est venu ce c'est, nom-là? C'est Olivier Guimond, Tizone, le père. Vous savez, on jouait à Québec, au Théâtre impérial, et puis il avait préparé une... au juste, vous savez, les trois mousquetaires, mais seulement, on avait seulement trois actes, à peu près. Puis là, lui, c'était Tizone, puis il avait vu, dans un... où il avait pris un peu la pièce, il avait vu une chose comique, vous savez, un mot comique, puis c'était marqué La Poune. Alors, il dit, tiens, dans les trois mousquetaires, il dit, oh, ça va être fin, puis il dit, on va mettre ça à la porte, ça va être marqué Tizone et La Poune. Alors, quand la semaine était finie, des trois mousquetaires, j'ai continué à jouer de la comédie, mais ça avait resté La Poune. Alors, quand je passais sur la rue Saint-Joseph à Québec, on ne disait pas « Garde Rose Ouellet », on disait « Garde La Poune ». Garde La Poune qui s'en vient. Alors, le nom y est resté. Rose Ouellet au micro de la journaliste Colette Develin à l'émission Présent en 1967. Pour nous rappeler les grandes lignes de la carrière exceptionnelle de Rose Ouellet, une carrière d'environ 75 ans qui va s'étendre sur 9 décennies, je reçois l'historien Pierre Lavoie, qui est chercheur postdoctoral en études américaines à l'Université Yale, qui s'intéresse de près également à la scène burlesque du Québec au 20e siècle. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Où la classez-vous, La Poune, Pierre Lavoie, dans le paysage culturel québécois du 20e siècle? Ben, elle est partout, premièrement, parce que, comme vous l'avez mentionné, sa carrière couvre à peu près le 20e siècle. Bien entendu, comme beaucoup d'artistes qui ont connu leur gloire dans la première moitié du siècle, et surtout sur la scène, elle est un petit peu moins connue que ceux qui ont ensuite fait des films ou ont été enregistrés à partir des années 50. Mais ça demeure une pionnière, notamment à cause de son rôle de directrice. Là. C'est une pionnière pour les femmes dans le show business québécois. C'est notamment une des premières femmes en Amérique du Nord, sinon la première à Montréal, là, à avoir dirigé deux théâtres professionnelle. On parle du théâtre quartier, puis ensuite du théâtre national. Puis donc, justement, le fait qu'elle ait couvert le 20e siècle comme ça, ça fait en sorte qu'on peut revisiter l'histoire du Québec, l'histoire de l'Amérique du Nord, puis l'histoire de Montréal à travers du personnage de La Poune, mais surtout de la carrière et de la vie de Rose Ouellet. Puis quand on regarde l'enfance qu'elle a eue, on peut aussi, d'une certaine façon, revisiter l'époque à laquelle correspond cette enfance-là, parce qu'au fond, parler de la jeunesse de La Poune, c'est parler du Québec de cette époque-là. Elle naît en 1903, dans un quartier populaire, le Faubourg Amelas, où se trouve aujourd'hui Radio-Canada. Parlez-moi de ces années-là et de ce que ça nous dit sur le Québec du temps. Oui, l'enfance de Rose Ouellet, c'est un récit qui est vraiment typique de la classe ouvrière du tournant du siècle à Montréal, notamment sur la question des taux de mortalité des enfants. Elle grandit dans une famille, sa mère va avoir 21 enfants, desquels il y a seulement 4 filles, dont Rose Ouellet, qui vont survivre. On se rappelle qu'à cette époque-là, en Amérique du Nord, il y a un enfant sur 4 environ qui survit à sa première année. Aussi, elle va pas fréquenter l'école très longtemps, environ 6 ans. Ça, elle va le raconter, par contre, avec un peu de fierté plus tard, en exagérant un petit peu pour magnifier là, son personnage de comique turbulente. Elle raconte aussi qu'elle se fait expulser d'à peu près toutes les écoles qu'elle va fréquenter. Autre fait qui est assez commun de cette époque-là, son père, François-Xavier Ouellet, qui est un barbier, est né dans l'État de New York, ce qui nous rappelle qu'au tournant du siècle, il y a énormément de migrations entre le Québec et les États-Unis, des migrations ouvrières. C'est des centaines de milliers de personnes qui vont traverser les frontières comme ça à la recherche de travail et revenir souvent aussi. Puis son père va mourir probablement de complications liées à la consommation d'alcool, une situation qui rappelle aussi des problèmes de la classe ouvrière de l'époque. Et elle va travailler très jeune aussi, Rose Ouellette. Donc, pour aider sa mère après le décès de son père, elle va travailler dans des usines de chaussures, des usines de parfums à partir de l'âge de 13 ans, ce qui est tout à fait normal à l'époque. Mais quand même, quand elle parle de son enfance, elle en parle toujours dans des termes assez heureux. Elle en parle comme un moment heureux. Ouais. Vous dites qu'elle travaille très jeune. Elle fera aussi ses débuts sur scène très jeune, autour de quoi? Je pense qu'elle a à peu près 12 ans. À quoi ça ressemble, son début de carrière, Pierre Lavoie? Bien, la première soirée d'amateur à laquelle elle participe, c'est en 1915 au Ouimetoscope, qui est alors le premier grand théâtre de vues animées de Montréal, le plus populaire en tout cas auprès de la population ouvrière francophone de l'est de la ville. Puis c'est un milieu, les soirées d'amateurs, qui sont un peu l'ancêtre des concours de talent télévisés qu'on a aujourd'hui. C'est très populaire au cours de la première moitié du 20e siècle, puis c'est la porte d'entrée de beaucoup d'artistes vers leur professionnalisation. Ce serait selon Rose Ouellette, sa tante Mathilda qui l'aurait encouragée à l'insu de sa mère à chanter dans une soirée du Ouimetoscope, et elle aurait gagné le grand prix de 5$ avec la chanson Le rêve passe. Puis Rose Ouellette va évoluer tout le long de sa carrière dans ces contextes-là qui sont semblables à ces soirées d'amateurs-là, donc un contexte qui est tout à fait multidisciplinaire. Il y a des numéros de talent, de jongleurs qui côtoient des spécialistes comme les chanteurs et les danseurs, des sketchs comiques, des grandes finales musicales. La polyvalence est vraiment reine dans ce milieu-là. Puis Rose Ouellette, sans être une virtuose au long de sa carrière, en plus de son jeu comique, elle va apprendre à jouer du piano, de l'accordéon, du xylophone, elle chante, elle danse, donc c'est une touche à tout. Ouais. Et puis en 1920, elle va faire une rencontre importante, elle rencontre Olivier Guimond père, ça va être vraiment déterminant cette rencontre-là pour elle, pourquoi? Oui, vraiment. Elle le rencontre, en fait, par l'intermédiaire du comédien Paul Hébert qui l'engage dans les années 20. Puis ça devient un personnage très important dans sa carrière, notamment, bon, comme on l'a entendu dans l'extrait, parce qu'il va lui donner son surnom, La Poune, pour la scène, mais aussi parce que c'est un de ceux qui vont légitimer, qui vont la crédibiliser comme comique, si on veut. À cette époque-là, il faut se souvenir, là, bon, les canevas des pièces sont assez flexibles, mais les rôles dans le burlesque ne le sont pas du tout. Il y a seulement le comique qui peut faire rire, mais Olivier Guimond père, qui est à ce moment-là le roi des comiques burlesques, il va rapidement donner de la place de comique à Ouellette, et ça montre à quel point ses pairs reconnaissent rapidement et très rapidement son talent pour l'humour. Donc, à cette époque-là, il va lui aussi apprendre à travailler dans l'improvisation, parce que c'est ça la scène burlesque. Donc, à la suite d'Olivier Guimond père, à part dans les chansons, elle va surtout évoluer dans des canevas où ils vont improviser à peu près tous les textes, et c'est ce qui va faire la marque de commerce aussi, avec ceux de sa génération, qui sont la deuxième génération du burlesque, comme Jean Grimaldi, Olivier Guimond fils. C'est comme ça qu'ils vont se faire connaître à travers le Québec pendant tout l'âge d'or du genre, là, que je dirais qu'il va environ des années 1920 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle est déjà les années 20, là. Elle est déjà, durant les années 20, la Poune, quelqu'un de très, très connu. Et très vite, elle va développer un personnage très typé. Vous le disiez, c'est Olivier Guimond père qui lui dit « Tu peux faire du comique », qui la pousse vers cette voie-là. Et elle sait ce qu'elle fait. Elle développe un personnage sur scène très, très typé. Il faut dire qu'elle a un physique très particulier et elle va aussi en user pour faire rire sur scène. Eh bien, oui, mesdames, on va se rappeler des petits souvenirs du Théâtre national. Si je suis venue au monde comme ça, c'est pas de la faute à d'autres que mon papa. On va y aller. C'est pas de ma faute si je suis venue au monde comme ça. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à mon papa qui m'a donné le vrai moyen sur mon chemin faire des bégains. Si j'ai sur moi le doux parfum du bonheur, si je fais courir Fernand Chignac en trois quarts d'heure, si j'ai tout ci, si j'ai tout ça, c'est de la faute à papa. La Poune interprétant sa fameuse chanson « La faute à papa » à l'émission Le 5 à 6 présentée à Télémétropole, qui est l'ancêtre du réseau TVA aujourd'hui, extrait qui remonte à 1967. Cette chanson qu'on vient d'entendre, ça fait partie de cet attirail dont va se servir La Poune pour développer son personnage sur scène. Comment décrire ce personnage-là, le personnage que La Poune incarne sur scène, Pierre Lavoie? Bien, vous l'avez dit, d'abord, physiquement, c'est une toute petite femme, c'est un petit bout de femme. Puis presque tout le long de sa carrière, elle va porter un petit jumper blanc, un petit chapeau blanc. Et avec un peu plus tard, avec sa chanson thème « La faute à papa », elle va reconduire cet univers-là à travers les différentes époques, les différents genres auxquels elle va participer. Ce qui est assez drôle, c'est qu'avec l'âge, son personnage gagne en comique parce qu'elle continue à se costumer en fillette, même quand elle dépasse 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais malgré tout, là, derrière toute cette apparence de naïveté, de candeur du personnage, la Poune, c'est un personnage de femme forte. C'est un personnage de femme forte à l'image de l'entrepreneuse puis de la directrice de théâtre qu'elle était, Rose Ouellette. Ouais, ce qui est assez atypique aussi dans l'univers du burlesque, qu'une femme ait cette force de caractère. On écoute un sketch auquel elle participe à l'émission Les Démons du Midi en 1991 avec Gilles Latulippe. Déjà, vous allez avoir une petite idée du genre de personnage que peut incarner la Poune, qui, parfois vraiment, emmène large. Je pars le matin, tu dors. Je reviens, qu'est-ce que t'es encore assis? Tout est genré, puis tu fais rien. Une minute, là. Tu m'as pas marié pour te servir, hein? Non. Mais tu vois, celui qui a voulu ça, il est mort jeune. Écoute-moi, ben. Fait que t'es mieux de te mon douter, là. Pourquoi tu m'as marié? Veux-tu m'expliquer pourquoi tu m'as marié? Parce que tu voulais te faire gâter. Quand tu vois une affaire de même, c'est la journée pour faire l'amour. Là, t'as mal au cœur. Écoute-moi. J'ai attendu écouter ma mère puis pas te marier aussi. Puis moi? Elle me l'a dit, ma mère. Marie Laporte, c'est une paresseuse, ça. Puis moi, qu'est-ce que t'as dit? Elle va rester là, elle va faire du lard toute la journée. Mais c'est toi qui as fait. Tu t'es pas vu, animal. Hein? Il est là, les sept péchés capitaux, il était plus beau que ça. Écoute-moi. Ah, ôte-moi ça. Écoute-moi bien. Comment ça se fait que t'es paresseuse demain? D'abord, comment ça se fait? Ça fait 35 ans qu'on est mariés. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'enfant, d'abord? Qu'on n'a pas d'enfant? D'abord, oui. Explique-moi ça. T'as de savoir comment tu te couches pour bonne nouvelle. Il est toujours c'est l'autre faute, côté ça. Puis l'autre côté. C'est ta faute, ça. C'est pas de ma faute. C'est ta faute. La minute que tu te couches, la minute que la tête te touche l'oreiller, tu dors. Tu ronfles, tu fais un solo de ronfles. Pourquoi que tu la minute que tu servis sur mon bord, j'ai mal au cœur. Bon, comment tu veux faire un enfant avec ça? La Poune et Gilles Latulippe à l'émission Les Démons du Midi en 1991. Parlez-moi, Pierre Lavoie, de ce personnage, mais au fond, de très fort, dont vous parliez, là, la femme qui emmène large. Comment décrire ce personnage-là, ce jeu, cet humour aussi très, qui va loin parfois, cet humour très particulier de La Poune? C'est un art de renversement. C'est vraiment un personnage typique de burlesque. Elle est absolument contre les normes sociales associées à son genre de femme à l'époque. C'est souvent elle qui va dominer les hommes, notamment sur la question de la sexualité. Tout au long de sa carrière, il y a beaucoup de ses blagues qui vont tourner sur le fait que elle domine les hommes, qu'au lieu de fuir un maniaque sexuel ou un homme insistant, c'est elle qui lui fait peur parce qu'elle a trop de désir, trop de libido, un peu à l'inverse de ce qu'on a entendu dans l'extrait. Elle va aussi vous faire beaucoup de blagues sur le fait qu'une des raisons pour lesquelles elle a quitté l'école, c'est qu'on voulait leur apprendre à cuisiner. Elle va dire souvent qu'elle était une très mauvaise cuisinière. Donc, elle joue beaucoup avec les stéréotypes de genre de son époque, ce qui est un trait qui est assez novateur au sens où les femmes avant elle dans le burlesque, comme Juliette Petry, Juliette Béliveau, Caroline Dargère, il y a déjà des vedettes burlesques, mais elles sont rarement le comique. Le seul exemple qu'on pourrait avoir peut-être, c'est du côté des États-Unis, une des pionnières là, du vaudeville et du burlesque, une descendante de Canadienne française nommée Eva Tanguay, qui avait un peu le même rôle, là, une femme comparable, donc de petite taille, puis comme Ouellette, qui avait une énergie, là, qui était vraiment un atout dans la fabrication de ses personnages. Mais donc, Rose Ouellette, ou plutôt La Poune, si je devrais corriger, elle s'empêche jamais de faire des gags grivois, même à connotation sexuelle. Là, c'est vraiment une de ses marques de commerce de rendre les hommes inconfortables de sa sexualité. Vous parliez au début de l'émission de cette facette, peut-être moins connue, en tout cas on l'oublie, mais ça a été une pionnière comme directrice de théâtre, une des premières directrices de théâtre au pays. Parlons de ça, particulièrement de la période du Théâtre national dont Rose Ouellette est la directrice de 1936 à 1953. C'est une période, il faut le dire, qui correspond à un âge d'or, peut-être le deuxième âge d'or du burlesque au Québec. On parle de tout ça ensemble dans un instant, Pierre Lavoie, mais on écoute d'abord Rose Ouellette et Fernand Gignac nous décrire ces belles années du Théâtre national à l'émission Le siècle de Rose Ouellette, présentée à la télé de Radio-Canada en 1997. Quand le spectacle commença, le rideau leva sur une grande ouverture, un beau décor. Là, les acteurs faisaient leur petit numéro. Il y avait ceux qui dansaient, ceux qui chantaient, et puis là, ça finissait. Ils chantaient tout ensemble, le rideau baissait. Après ça, on avait une petite intermission. Là, après, on commençait un petit mélodrame. Dans le mélodrame, c'était deux artistes que j'avais engagés spécialement pour ça. Après ça, là, tout de suite, après ça, là, on avait un autre chanteur, danseur. Dans ce temps-là, ils appelaient ça une spécialité, je ne sais pas pourquoi. Au lieu de dire un chanteur populaire ou quoi que ce soit, on appelait ça une spécialité. Je chantais à la fin de la première partie. Et puis, Mme Ouellette, dans le contrat, c'était bien stipulé qu'on devait vendre des programmes. On devait descendre dans la salle, puis vendre des programmes qui se vendaient 10 sous dans le temps. Le programme souvenir dans le genre de celui-ci, dont on voit Mme Ouellette sur le dessus. On descendait dans la salle, puis on disait « Programme souvenir, 10 cents, 10 cents. » Et puis, c'était la grande comédie. À quoi va ressembler cette aventure du Théâtre national pour la Poune, Pierre Lavoie? C'est vraiment la partie la plus importante de sa carrière. Elle va avoir fait la direction du théâtre Cartier pendant 8 ans avant, là, mais à partir de 1936, c'est qu'elle est directrice du plus important théâtre burlesque francophone à Montréal, au cœur de l'âge d'or du burlesque à Montréal. C'est une époque où il joue carrément tous les jours, souvent plusieurs fois par jour. Il y a une matinée puis une soirée dans les théâtres. Et elle va engager au National pendant ces années-là les plus grands comédiens de l'époque, puis pas seulement les comédiens du burlesque, mais des comédiens dramatiques qui sont affectés par la crise. Parmi les grands noms, on peut penser au Petri, Amanda Parent, Hector Pellerin, Paul Desmarteaux, Juliette Huot, Olivier Guimond, père et fils. Donc, il y en a plusieurs comme ça jusqu'à la génération de Claude Blanchard. C'est même elle qui va accueillir Alice Roby à Montréal à l'âge seulement de 13 ans. Donc, elle est vraiment au cœur de la vie culturelle populaire montréalaise des années 30 à 1950, là, sans aucun doute. Ouais. Et qui dit théâtre burlesque, cet âge d'or du burlesque dont vous parliez, dit proximité avec le public. D'ailleurs, La Poune disait toujours « J'aime mon public et mon public m'aime ». Certains de nos auditeurs vont s'en souvenir. Parlez-moi de ça, du rapport de grande proximité qui existait entre La Poune et le public montréalais, mais plus largement entre les artistes du burlesque et le public. Ben, il faut rappeler que cet âge d'or-là du burlesque est à peu près synchrone de la Grande Dépression qui frappe l'Occident et le monde, en fait, là, à partir de 1930. Et c'est un des genres artistiques qui va le mieux survivre à la crise, notamment parce que c'est assez simple à produire et c'est assez, à cause de l'improvisation et des petits décors et tout ça, c'est assez facile à déplacer aussi en région. Cependant, bon, les artistes burlesques qui vont pas devenir riches avec ça parce que les coûts des billets sont très, très, très peu élevés et ils vont énormément se promener là, comme ça avec les spectacles de Montréal au Maritime, à l'Ontario, à la Nouvelle-Angleterre. Et grâce, dans le fond, à cette proximité-là qu'ils ont du public, ils vont réussir à se faire donner de la nourriture même parfois. Elle dit que c'est en partie comme ça qu'elle a passé à travers de la misère, de la crise. Puis elle va le rappeler là, toute sa vie, son public à elle, même s'il vient de tous les milieux, c'est la classe ouvrière. Mais ça, c'est quand même phénoménal, de ce lien-là qui fait que les gens vont voir le spectacle et lui offrent à manger après le spectacle quand même, ça en dit beaucoup. Oui, tout à fait. La télévision arrive, ce qui est un tournant majeur pour cette scène burlesque au Québec. Ça signe un petit peu le glas, en fait, de la scène burlesque à Montréal. Qu'est-ce qu'elle devient, La Poune, après cette glorieuse époque du Théâtre national, et quelle place elle occupe, justement, dans ce nouvel univers culturel qui passe beaucoup, beaucoup par le petit écran? Ben, au départ, elle va faire un petit peu de tournée avec son ami Jean Grimaldi, mais elle dit ne pas beaucoup aimer la tournée. Elle va ensuite se tourner vers le cabaret, comme beaucoup de ses contemporains. Elle va notamment faire du cabaret avec sa complice Juliette Petri. On se rappelle qu'à ce moment-là, elle est déjà à la fin de la cinquantaine, dans la soixantaine, et elle va jouer jusqu'aux petites heures du matin là, dans les salles enfumées de la rue Saint-Laurent de Montréal. Elle va très peu jouer à la télévision au début. Elle va même commencer au cinéma avant la télévision. Elle va avoir un petit rôle dans le film Cœur de maman en 1950. 1953. Elle va récidiver ensuite dans les années 70 dans d'autres films. À la télé, c'est vraiment plus à partir des années 60, notamment en 1961 dans la série humoristique Télésurprise sur les ondes de CFTM, puis dans certains téléromans comme Rue des Pignons, Chère Isabelle, Les Brillants, Les Moineaux et les Pinsons. Mais elle demeure toutefois majoritairement une artiste de la scène. Elle va jouer au Théâtre des Variétés de Gilles Latulippe à partir de 1967. Puis elle participe même à ses premières pièces de théâtre avec texte, donc des pièces plus légitimes comme Un jour sera ton tour de Serge Sirois au TNM en 1974. Elle va être invitée à la Saint-Jean en 1975. Elle participe à des bye-bye, notamment en 1982. Elle fait du théâtre d'été. Elle fait des tournées avec la troupe de Normand Gélina. Puis son dernier tour de piste médiatique dont on se souvient beaucoup, c'est une publicité en 1993 pour la bière rousse de Molson qui avait pour slogan « La rousse est douce ». Oui. Et donc, à la fin de sa carrière, elle va avoir une certaine reconnaissance du milieu aussi. La disque va lui remettre notamment le Félix Hommage de 1983 pour l'ensemble de sa carrière. On va aussi la nommer Chevalier de l'Ordre national du Québec en 90. Et on la considère assez largement là, comme une pionnière de la place des femmes en humour au Québec, même dans ces nouvelles générations-là de la télévision. Oui. Un petit mot en terminant cette émission sur La Rose Ouellette de l'intimité, parce que d'une part, elle était très, très discrète sur sa vie privée. On sait très peu de choses d'elle. Parlez-nous un petit peu de cette Rose Ouellette-là, la Rose Ouellette de l'intimité, Pierre Lavoie. Mais comme beaucoup de clowns et comme beaucoup de comiques, elle tenait quand même à garder sa vie privée assez peu connue. Elle voulait que les gens s'identifient, puis qu'ils reconnaissent, puis qu'ils aiment la poune avant Rose Ouellette. On sait cependant qu'elle s'est mariée en 1926 avec le comédien français établi à Montréal, Marcel Decoy, avec qui elle va avoir une fille, Denise. Cependant, bon, Decoy, il va décéder très jeune, à l'âge de 39 ans, mais bien avant son décès, donc dès 1929, le couple vit séparément en amis. On a su récemment, en fait, dans le cadre d'une entrevue accordée à l'émission Dans les pas de, sur la chaîne Historia en 2019 par sa petite-fille Kathleen Verdon, un secret qui était connu de l'industrie puis de sa famille, mais jusqu'alors qui était caché au public. En fait, le grand amour de Ouellette n'a pas été de quoi, mais bien sa collaboratrice Gertrude Bellerive, avec qui elle aurait partagé sa vie pendant plus de 40 ans, donc de 1929 à 1971. Et c'est quelque chose qui n'était pas connu du tout du public. Par contre, ça nous rappelle, son exemple nous rappelle qu'en dépit des tabous puis des normes sociales de cette époque-là, la diversité sexuelle puis le rejet des rôles de genre sont présents au Québec dès la première moitié du 20e siècle. Ouais. Pierre Lavoie, c'était un bonheur, encore une fois, de vous recevoir. Historien, je le rappelle, spécialiste de la culture populaire et de la scène burlesque au Québec dans la première moitié du 20e siècle. Également chercheur postdoctoral en études américaines à l'Université Yale. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Annie Richer. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui d'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. C'est moi la poune qui monte au paradis, jouant ma toune, amusant les amis, v'là tous les saints qui se mettent à danser, et dans l'entrain, le bal a commencé. Saint-Pierre, dans cette une j'ai dit, c'est le temps de l'enjôler. Et Saint-Thomas, viens me dire tout bas, ta place est là, assis sur le toit, voyant ton cas, et ensuite on saura.